Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed. Its people brutalized. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Sous le poids des insultes, recouvert par un culte, des montagnes de poussière emprisonnent un désert. Sans espoir ni copain, sans futur et sans rien, une seule phrase suffit pour changer une vie. Tous poussés dans un gouffre, on sourit mais on souffre. Exposés à la mort, sans lumière du dehors, sans amour ni ami, sans avenir dans la vie, une seule phrase suffit pour sortir de la nuit. Il faut toujours se battre avec force et courage, sans forcément penser à la mort. Oh, il faut toujours se battre. Oui, se battre avec force et courage, sans forcément penser à la mort. Insulter, nous cacher dans l'oubli, on peut nous ignorer, nous tuer quand on prie, on saura se défendre, ceci même si on tremble, car une seule phrase suffit, si à la lettre on la suit. Toujours se battre avec force et courage, sans forcément penser à la mort. Oh, il faut toujours se battre, oui, se battre avec force et courage, sans forcément penser à la mort. Oui, se battre avec force et courage, sans forcément penser à la mort. Oh, toujours se battre. Oh, il faut toujours se battre. Oui, se battre avec force et courage, sans forcément penser à la mort. Sans espoir, ni copain, sans futur et sans rien, sans amour, ni ami, sans avenir dans la vie. On saura se défendre, ceci même si on tremble, car une seule phrase suffit pour contrer la folie.